Bonjour, bienvenue à 70%, c'est Israël en arrière la console! J'ouvre les micros de tous les amis, ça va être encore un spécial problème technique! Ok, oui. Fait que je vais essayer de mettre les pubs qui vont nous être très intéressantes. C'est ce jeudi le 2 décembre qu'aura lieu la 10e édition de la Grande Guignolée des médias 2010. Chaque FM est fier de contribuer à la cueillette de dons et de denrées non périssables qui se déroulera aux angles des rues Sainte-Catherine et Saint-Denis de 6h à 19h. Tu veux faire ta part et aider à réduire la pauvreté au Québec? Participe à la Grande Guignolée des médias le jeudi 2 décembre et fais un don en argent ou en denrées non périssables dans les locaux de Chaque FM ou aux angles des rues Saint-Denis et Sainte-Catherine. Parce que chaque geste compte. Vous rêvez de palmiers, de chaises longues? Ne cherchez plus! L'ATSA vous invite à son événement tout inclus de l'état d'urgence ultime édition. Du 25 au 28 novembre, 24 heures sur 24, sur la place Émilie-Gamelin, métro Berry, profitez de nos forfaits artistiques, dont une soirée avec les Sept Doigts de la Main et l'Orchestre d'Hommes Orchestres. Gentils auditeurs, rejoignez-nous sur www.atsa.qc.ca et sur Facebook. Du 25 au 28 novembre, nos gentils organisateurs vous attendent avec des activités gratuites dont personne ne sera exclu. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Allô? Ok, on m'entend. C'est juste que là, je viens de déploguer mes écouteurs sans faire exprès. Fait que là, je suis pas capable d'entendre si le monde entend. Fait que ça va, Étienne Forêt? Oui, ça va. Ça va très bien. Eh oui, aujourd'hui, ça va être un vrai spécial problème technique parce qu'en plus de ça, en plus d'avoir Israël qui est pas super habitué encore, on n'a pas la console auxiliaire. Donc, je vais faire jouer mes tunes avec des speakers de mon ordi puis avec un micro devant. Ouais, mais on est au-dessus de ça. À ce qui paraît, il y a notre ami Bruno qui est passé à la journée à l'hôpital. Je sais pas trop pourquoi, là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur son Facebook, c'était écrit aujourd'hui ou hier, je suis plus sûr, qu'il avait fait une syncope au cinéma puis il était reparti en ambulance. Fait que ça peut être un peu figuratif, là. C'est peut-être parce qu'il était voir deux frogs dans l'Ouest. C'est possible. Puis à ce moment-là, ça y apprendra. Mais là, aujourd'hui, il nous a envoyé un mail pour nous dire qu'il sortait à peine de l'hôpital. Fait que d'où son absence aujourd'hui. Bon, ben on va d'accord, on a notre amie Evelyne qui est là. Oui, ben oui, je suis venue pour le fun, là. Assister à tout ça. Ouais, ouais, tu vas nous parler d'une affaire, je pense. Non. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, mais je me rappelle plus. Oh. Moi non plus, je me rappelle plus. C'était Chloé. Non, mais en attendant, par exemple, je vais dire cela à Clément, mon petit coloc, là, tu sais, on lui a dit qu'on lui dirait salut. Ah ouais, ben, on le salue chaleureusement. OK, maintenant, tu peux aller écouter 28 Days Later avec tes amis faire à manger. On a un Francis ici qui fait de la musique. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Mieux que jamais. Ben, c'est ça, moi, je fais de la musique avec mon Nintendo DS, ça, pour les non-initiés, c'est geek, c'est vraiment geek comme manière de faire, là. Ouais. C'est comme un Game Boy, mais pas un Game Boy, tu sais, c'est comme la version avancée d'un Game Boy, là. Pour ben, en fait, c'est la console portative qui vend le plus, fait que la plupart des gens savent sûrement c'est quoi. Ouais, mais mettons qu'il y a une grand-mère qui s'est fourrée de poste puis qui écoute en ce moment puis qui a aucune idée, on va y faire comme... Elle est vraiment perdue, grand-mère, là... Va te coucher. C'est quoi qu'ils parlent, les messieurs? Bon. Ah, c'est de la musique de drogué, ça. Ouais, ça c'est donc, je te demanderais, Étienne, de peut-être essayer de commencer légèrement ça pendant que j'essaie de repluguer mes écouteurs. Puis après ça, on partira en grave. Je vais mettre un thème tout à l'heure en plein milieu d'émission. Je peux problème technique. Suite, si tu veux, je peux mettre un thème. J'en ai un thème ici, me semble. T'es un peu mal trouvé. Moi, je vais essayer pendant 2 minutes de repluguer mes écouteurs. Sinon, je vais aller chercher quelqu'un pour m'aider. J'étais un ancien genre pseudo-technicien de son, fait que je peux peut-être te trouver à rentrer. Ah là. Ouais, l'autre bar. Ah ouais, l'autre bar. Va t'aider, gars, va t'aider. On va laisser le micro de notre bar allumé pour nous entendre sacrer. Ça va être malade. Ah, c'est clair que ça va être bon. OK, attends un peu, là, je cherche les affaires, là, vu qu'on est bien organisé. C'est parce que là, il était comme dans le fond. OK, 1, 2, 3, go! Trop, il y a trop de questions sur ma liste. De questions techniques et existentielles. Si Jésus était jeté à l'eau tête la première, flotterait-il quand même? Rebondirait-il ou se cognerait-il? Et que vaut cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils. La vie, ce n'est pas simple. Mais heureusement, on peut, paraît-il, expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 donne 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280, divisé par 4 donne 70. Et va donc répéter ça à ta sœur de ma part. Elle en sera folle d'amour, j'en suis sûr. Et voilà. C'est parce 70%. Là, si j'entends pas, je peux pas mettre nos extraits puis nos indicatifs. Va falloir en inventer. Oui, va falloir. J'en ai, moi aussi, des indicatifs. J'ai toutes sortes de cossins là, sur mon laptop. Puis comme on voit que le son, finalement, ça sort pas pire, là, je peux toujours faire ça. C'est hallucinant. Oui, c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est un vrai spécial problème technique. On l'avait dit. Fait que, tiens, je vais mettre des indicatifs. Salut, c'est Louis-Philippe des Contracteurs, vous écoutez 70%, puis j'aime ça, moi, cette radio-là. Je t'aime pas si t'écoutes pas cette radio-là. Ici Edgar Bory, là, je suis ici, mais je m'en vais tout de suite chez nous pour écouter 70%. Je viens de découvrir l'émission, puis ça a l'air que c'est bien, c'est le fun, je viens d'en vivre une, là, je vais aller écouter les autres qui s'en viennent ou qui sont passés. Ici Danny Daniel Gabriel, vous êtes dans l'univers innovateur de 70% à Choc FM. Salut, c'est Sarah. Je pense pas à grand chose, mais à chaque fois que je pense, c'est à 70%. Et voilà. Hein? En voulez-vous d'autres? Ah, non. J'en ai plein, moi, des indicatifs. Tiens. Je suis Alex de Alex et Arnold. Et comme le fait Arnold et moi, quand je file comme un chien malade puis que j'ai le goût de tout pitcher par la fenêtre et qu'Arnold me susurre ses conseils, j'écoute 110% à chaque FM. 40% de trop. Ben, je m'appelle Denise Trudel, je suis la mère à Israël. Je suis venue au monde à Saint-Bruno-de-Guigues, un petit village dans le Témiscamingue, et j'écoute 70%. À soir, en tout cas. Bonjour! Bonjour, mes carrosses! Salut, ici Ghislain Tachereau et Luthier et Arafat, décédé. Vous écoutez 70%, en tout cas, si vous écoutez. Bon, c'est ça. Fait que c'était un spécial indicatif pour aujourd'hui. Puis toi, t'as-tu un spécial pour nous autres, Étienne Forêt, aujourd'hui? Ben aujourd'hui, j'ai toutes sortes de cossins en tout genre. Là. J'ai des restants de l'Ancan, parce que vous savez peut-être que la semaine passée, c'était la foire, la troisième foire de l'absurde de douteux.org. Puis il y a eu un Ancan là-dedans, puis j'ai encanté certains albums dont j'avais des extraits que je voulais vous faire jouer à l'avance, mais là, il m'en reste, fait que je peux en mettre en retard. Puis sinon, j'ai des belles découvertes intéressantes de la semaine, donc il n'y a pas de thème officiel. Mais pendant qu'on parle de la foire, ça serait peut-être un moment idéal pour faire un petit retour sur cet événement incroyable. Oui, tout à fait. On peut commencer avec le premier soir, le vendredi. Ben vendredi, le gros truc de vendredi, ça a été le visionnement de Sexe douteux. De l'excellent spécial Sexe 2, oui. Que j'ai regardé d'un œil distrait, laissez-moi vous dire. Mais ça a vraiment pété, voyons, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde au brouhaha ce soir-là. Je pense que c'était un record d'assistance, probablement. Je dis ça ouais, c'était là, très là. Dur de trouver une place assise, puis sinon la place était remplie à preuve elle. Que le sexe vend toujours tout autant, le temps, tout le temps. Du sexe douteux encore plus. Encore plus, oui. Il y a juste eu un gars qui est venu se plaindre, là, qui était pas content. Oui, je me rappelle, il était fatiguant. Bruno, il est pas là pour en témoigner, mais on a eu une conversation d'au moins 5 minutes avec. Ouais, mais il se plaignait de quoi, au juste, que c'était trop pas bon? Oui, c'est ça. Ouais, mais il se plaignait que... Il disait, comment pouvez-vous dire que c'est de l'art? Ce qu'on n'avait jamais prétendu d'aucune façon. Et puis il disait, moi, dans la vie, il n'y a jamais rien qui me choque, mais là, je suis choqué. Oh, wow! Il était pas content d'être choqué. Non, ça s'annule, genre. C'est la soirée, ça, franchement. Vous choquez quelqu'un profondément. Ouais, puis vous en parle pendant 5 minutes. Ben l'émission du douteux est complètement là, remplie. Là, Manet, moi puis Bruno, on a décidé de clore la conversation parce que ça servait plus à rien. Puis là, vers la fin, là, tout le monde est pompette, puis après ça, tout le monde est horny aussi. Là, il y a au moins un affaire là-dedans qui va faire bander chacun de nous. Là. Ah non, c'est sûr, vous avez permis. Vous avez permis du monde de faire l'amour ce soir-là. C'est faire clair. Le sweet, sweet love. C'est certain. En d'autres mots, fourré. C'est ça. Fait que. Là, je vais le voir, puis là, je fais comme là, si t'es aussi choqué que ça, là, c'est parce que tu dois avoir des fantasmes vraiment bizarres, puis que t'es assumes pas. Oh. Puis là, il a voulu venir m'en reparler après, mais là, j'ai dit, OK, non, on n'embarquera pas là-dedans. Ah, tu as donné une semi-érection, fille. Ben, c'est un semi-croquant. Finalement, il devait avoir la mimole, puis il savait pas pourquoi, puis ça devait pas être la bonne affaire. Qui, ben, c'est plate que les auditeurs voient pas, parce que ça, je fais le signe de la mimole en ce moment. Là. Ah non, ça veut rentrer. Non, ça marche pas. Ensuite, on peut passer au soir numéro 2, parce que je me souviens plus de la fin du premier, donc je ne peux plus en témoigner. Le deuxième soir, c'était l'Encan. Oui, il y a eu le quiz de tout avant, puis il y a eu l'excellent Encan et le show de meux. Oui, ben, il y avait également, mentionnons la participation du house band Les Sprats pendant l'Encan, qui a vraiment fait lever les foules. J'ai comme l'impression que Étienne Lamer, il dit tout le temps ça bête à ce temps, les Sprats, en regardant avec des yeux fâchés. Pas du tout. Voyons donc. Je pense que tu paranoïes, Israël. J'ai jamais eu les yeux fâchés de ma vie. Mais pour de vrai, non, c'était super cool. À chaque lot qui se vendait, les Sprats avaient une petite chanson sur mesure. Est-ce qu'on a un extrait, Israël? Non, tu es capable de nous en faire une? Ok, ouais. Mettons. T'es vraiment fait crosser en achetant ce que t'as ouetté. T'aurais pas dû l'acheter, t'aurais dû garder ton argent pour toi. T'as acheté une bonne dernière mission pour te saouler. T'as pogné une fille dans les toilettes. Voilà. C'est de l'art. Ça, c'est de l'art. Puis non, ça a été vraiment cool. Puis il y a plein de monde qui sont déplacés puis qui sont venus dépenser leur argent difficilement gagné pour acheter une cochonnerie quelconque. Est-ce que t'as des chiffres? J'ai pas toutes des chiffres. Moi, j'ai entendu dire le total des ventes, quelque chose comme 700$. Ah, donc 200 de plus que l'an passé? Oui. Puis je crois que l'item qui s'est vendu le plus cher, de mémoire, ça serait un cahier à colorier de Andy Warhol qui s'est vendu 40$ pour aucune raison. Wow. Il y avait des hipsters dans la place, ils ont barré des moulettes. Ben oui, c'est bizarre. La première année, le lot qui s'était vendu le plus cher, c'était à 40$ aussi. C'était un cadre, d'Ingé en laine, je sais pas trop. Ah. C'est Bruno qui a acheté, d'ailleurs. Ouais. Ben, il y a aussi le cadre de Jésus, je pense, la première année, il avait pogné le 50$ peut-être. Ah, le cadre de la dernière scène, qui a été défoncé par la suite. Ouais, dans la même soirée. C'est l'année passée, ça. Ça, c'est un bon investissement. Tu l'achètes, tu le pètes. C'était même Tommy qui l'avait acheté, si je ne m'abuse. Qui l'avait pété après. Non, mais en tout cas, ça a été... Cette année, c'était ça. Andy Warhol, ça, je suis resté un peu surpris parce que les mises, pour ça a été comme 1$, 2$, 3$, 40! Là, il y a un gars qui a crié ça. Je croyais qu'il niaisait. Il était pas obligé de dire ça, tu sais. Il aurait pu juste dire 4, puis il l'aurait eu. Puis il a quand même dit 40, puis il a acheté 40. Hey boy! Fait qu'il avait le goût de nous donner de l'argent. Puis une question comme ça, c'est qui a gagné le quiz? C'est Fred, le même gars. Ouais, le nouveau, le petit nouveau dans notre gang de Le grand nouveau. Ouais, celui qui a gagné la mort de Noël. Oui, la mort de Noël. Je tiens à dire, c'est un maudit bon Jack, j'ai déjà travaillé avec. Ouais, très sympathique. Vraiment bon. Donc, il a gagné le concours de costumes d'Halloween. Il a gagné. Il est très dédié. Il a gagné la course. Il a gagné jouer une toune avec Meux en même temps que Julien Bernatché. Oui. Parce que c'était le seul qui avait acheté des billets pour participer à ce concours-là. Il avait acheté 3 billets, puis il y avait seulement 3 billets de vendus. Donc voilà, il a gagné. C'est le fun de gagner quand personne n'a participé. Ouais. C'est comme le supra-gagnant de rien. Exactement. C'est clair, hein? Surtout t'acheter 2 billets. D'ailleurs, Meux n'étant pas habitué de faire des shows, il a fait comme un blackout pendant qu'il faisait son show parce qu'il criait trop. Donc il a fallu qu'il finisse ça assis, puis il y avait de la misère. Oui, mais il a quand même réussi à faire lever la foule d'aplomb. Moi, j'ai invité des amis qui avaient aucune idée de c'était quoi le mouvement douteux.org, à part que je leur en parlais de temps en temps, mais qui n'avaient rien constaté de visu. Tes amis straight. Mes amis straight, là, tu sais, mes autres amis. Ils t'ont renié. Non, là, maintenant, c'est des fans de Meux. J'étais allé chez eux en fin de semaine, puis ils arrêtaient pas de crier Meux, c'est toi! Toute la soirée, c'était assez hallucinant. Hein. Ils ont vraiment... Meux, le doigt contagieux. Hein. Ouais, le doigt accusateur contagieux de Meux. Fait que non, ça a vraiment bien marché, puis. Meux et son drummer Ian Campbell, sympathique bonhomme, nous ont laissé des chaudrons puis des poils puis des cuillères avec lesquelles ils avaient drummé. Ils les ont autographiés puis on les a vendus à l'Encan tout de suite après leur show. Calice, hein? Eux autres aussi, à leur manière, ont participé. Oui, tout le monde participe au succès de 2.org et c'est ça qui est beau. Bon. Sinon, le dimanche... Dimanche, Téléthon. Le Téléthon, on a eu tout. Je pense que tu as joué, mon cher Francis, c'est ouais, à ton tour. Oui, j'ai joué deux fois en plus. Deux représentations. Deux représentations dans le même Téléthon. Tu as joué la même toune. Ouais, j'étais ben, rendu à la fin, tu sais, j'étais comme un peu en boisson. Fait que. Comme les Sprats. Ouais, c'est ça. Puis là, l'année, j'ai joué de tout. J'ai fait, on va couper plus vite. Puis c'est ça. Mais si j'en aurais pas parlé, personne s'en aurait rendu compte. Parce qu'à l'heure, la dernière représentation, à l'heure que j'ai joué, il était tard, anyway. Et tout le monde était aussi sous que moi. Ouais, c'était peut-être pas le même monde qu'au début. Ouais, c'était un soir qui a fini un peu plus sourd, mais on sentait que le monde travaillait le lundi matin. Fait que vers minuit, le Téléthon finissait peu à peu. Puis. Moi, j'ai à peine souffert le lendemain, c'est correct. Ben, il y a eu, moi, j'aimerais souligner l'impressionnante performance de Danny Daniel Gabriel pendant ce téléthon-là. Oui. C'était incroyable. Je pense que c'est lui qui a été le plus ovationné, en tout cas, de tout ce que j'ai vu. Moi, j'ai quitté tôt un peu parce que je travaillais tôt le lendemain. Mais c'était vraiment incroyable. Tout le monde tripait. Tout le monde a été transporté. Puis, est-ce qu'il a joué Baiser les étoiles? Il a joué Baiser les étoiles. Il a joué tout partout. Il a joué Nuit bleue. Toutes ses finalement. Est-ce qu'il a dédié ses tunes aux amoureux? Non. Mais par contre, il nous a remercié personnellement, la gang de 70% sur le stage. C'était un moment assez touchant. Puis c'est le seul que moi j'ai vu de tous les télétons de douteux avoir un rappel à la fin de son skit. Fait qu'il a refait une toune de plus. C'était vraiment cool. Puis tout le monde était dedans. On a embarqué à fond. Puis je pense que tout le monde a grandi pendant ce moment-là. Ah. J'aimerais ça aussi féliciter le gars que je sais pas son nom qui s'est occupé de mettre ça sur Ustream. Oui, Olivier. Il est sur Internet Olivier. Pendant toute la fin de semaine. Ouais, c'est Olivier, il est Olivier. Super smart, ce gars-là. Il est super smart, ouais, mais je m'en Il a une très bonne job, d'ailleurs, vous avez tout manqué ça si vous ne l'avez pas checké. Ouais, moi, j'ai tout pu suivre ça au travail, live. Tu travaillais fort, mais puis, merci, c'est le fun. Non, mais tu sais, je joue avec les volumes, hein, c'est correct. Ah, ok, non. Mais... Une émission de radio d'un bar, les douteux de l'autre bar. Ah, ça marche très bien. Mais d'ailleurs, si vous avez tout manqué ça, il y a quand même possibilité d'en voir des longs extraits. Si vous allez sur Ustream, cherchez notre compte douteux.org. Pas de points parce qu'il peut pas avoir de points là-dedans. Parce qu'il a été coupé parce que... Spécial sexe. Spécial sexe, nous a fait couper notre Ustream. Mais on a recréé un deuxième compte le samedi. Puis ce qui s'est passé samedi et dimanche, il y a des bouts qui sont enregistrés là sur notre compte Ustream. Puis vous pouvez les regarder en différé. Mais il n'y a rien de vendredi du tout. Il n'y a rien de vendredi. Ça a été perdu dans les ténèbres de Ustream et sa censure. Puis dimanche, le Téléthon, malheureusement, le son sort très mal sur le Ustream. Ça, c'est poche. Non, pendant les shows, par exemple, le premier soir, dans le fond... Avant le spécial sexe, il y avait un show, ça sonnait très, très bien, sauf qu'on a perdu ça. Oui, voilà. Ça, c'est malheureusement. Lundi, c'était bien sûr Whitefire qu'on a pu entendre ici à la radio pendant qu'on n'était pas là. J'espère que vous avez été déçus. Il y avait le panel de discussion aussi. Oui, il y a eu le panel, effectivement. Oui, tout à fait. Qui n'était pas pire pantoute. Oui, ça a très bien été. Plein de participants de gros noms du cinéma. En fait, on parlait de l'état du cinéma au Québec avec François Gour, on avait Jarrett Mann, on avait Simon Laperrière, ouais. Benoît Mercier, puis l'éternel Tommy Godette. Tommy Godette, évidemment, puis Charles-Emmanuel Ouellet, alias Bonhomme, le BDiste fan de série B. Fait que ça a bien été aussi. Fait qu'une excellente foire, tout le monde. Je pense qu'on peut se féliciter. Félicitations de 2.org. Ouais. Félicitations de 2.org. Moi, j'étais pas là. Vous avez fait une super bonne job. Moi, je tiens à faire une mention spéciale. Edgar Bory. Je ne connaissais pas absolument. Il est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Il a fait sa petite toune. Il ne s'est même pas fait présenter. Puis tout de suite, après, il est reparti. Oui, c'est parfait, okay. Ça. Il nous avait dit qu'il viendrait faire un petit bout dès qu'il aurait une chance. Il est pas mal occupé ces temps-ci. Fait qu'on, effectivement, on apprécie son passage. Tout à fait. Donc, c'était une belle foire, donc on se revoit à mi-novembre prochain. Est-ce qu'on a du courrier? Est-ce qu'on a du courrier? J'ai même pas checké. Écoute, moi, je suis tout comme évaché là. Puis, hey, on a un courrier. Ah, c'est qui? Attends, je sais pas. C'est la mère à Julien encore? Sûrement. J'ai Bernadette, il est ça, tu fais du bien beau travail, tu sonnes bien à la radio. C'est ça, tu sais. C'est peut-être Julien lui-même qui nous écrit pour nous expliquer pourquoi il est pas là en ce moment. Il donc, s'écrit lui-même. C'est ça. Un instant, en tout cas, je te trouve vraiment hot. Donc, allons voir. C'est peut-être juste du spam. Oh non, c'est Danny Daniel. Daniel Gabriel qui nous a écrit il y a 9 minutes, donc qui nous dit bonne soirée malgré tout. Et technique de bon show, vous vous débrouillez super et mes salutations à la petite diablesse, donc évidemment, Evelyne. Ah, il vous écoute en live, on le salue. Oui, Danny. Allô. Hey, oui, Danny, je t'ai manqué. Moi, je travaillais ce soir-là, j'ai pas pu être là, ça m'a vraiment fait de la peine. Fait que à une prochaine, là, certain. Ben oui, faut que ça se reproduise. C'est sûr que ça va leur faire peut-être que l'an prochain, il va être le has-been de l'enquête à lui tout seul. Peut-être. À quand le duo Les Sprats et Danny Daniel? Les Sprats featuring Danny Daniel. Mention pour le house band, vraiment, il était... Du Téléthon, ça? Ouais. Les Brass et tout? Ouais, la Ligue d'improvisation musicale. Ils l'ont bien rempli, ça. Oui, excellent. Donc, Étienne, je te demanderais peut-être de peut-être mettre une coupe de tunes pendant que j'essaye de reploguer mes écouteurs puis pour peut-être mettre du matériel, moi aussi. Mention Cédric Taillon aussi. Qui a peinturé toute la site fin de semaine. Oui, la peinture live. Puis, mention Étienne Forêt pour son esprit positif et son sourire constant. Et ses yeux jamais fâchés. Jamais. Il n'y a personne qui a jamais vu des yeux fâchés chez moi. Jamais. Demandez à tout le monde. Même ma blonde, je ne suis pas sûr qu'elle les a j'ai déjà vu. Fait que sinon... Non, c'est vrai. Ah ouais? Non, écoute, je me fâche vraiment pas souvent. Je te poke avec un bâton pendant 20 minutes, vas-tu les voir? Possiblement, c'est possible. Ah. Écoute, je vais commencer quelque chose d'intéressant avec... Là, deux semaines, OK, j'avais essayé de quoi, là? J'arrête ma musique de fond, weird. J'étais arrivé avec un album de Denny Terrio, qui est en fait un pseudonyme pour Denis Terrio, qui pourrait devenir... Ou subtil. Oui, c'est subtil. Il écrit vraiment de même. D-E-N-E-Y-T-E-R-R-I-O. Denny Terrio. Qui a sorti le disque. En fait, c'est un coffret pour apprendre à danser le disco Night Moves. Et puis, là, j'avais tenté, mal préparé tout ça, de montrer que Denny Terrio, il avait été copié par les Bingo Boys en 1991, qui avait fait une tune qui s'appelait How to Dance. Puis je disais, non, mais regardez, c'est quasiment la même affaire, mais là, j'avais fait ça à brûle pour point, puis c'était pas convaincant. Fait que cette semaine, j'ai fait un petit montage entre Denny Terrio et les Bingo Boys en alternance, plein de petits bouts qui sont exactement pareils, puis là, vous allez être convaincus. Tout ce que vous avez besoin, c'est de la patience et de la pratique. All you need is some patience and a little practice. Et bientôt, vous serez un bon danseur disco. And you'll soon be disco dancing with the best. Commençons avec la base du cercle de temps. Let's start with the basic two-beat turn. Je compte pour vous comme ceci. I'll count it for you like this. Pas à gauche, autour, ensemble avec le droit. Step left, around, and together with the right. Pas à gauche, autour, et ensemble avec le droit. Maintenant, voici la musique. Now, here comes the music. Checkez bien dans le bout musical. Il y a un petit sample qui vient des deux. Hein. Ça, c'est Denny. C'est Denny. C'est les Bingo Boys, checkez bien. Hey, ils veulent le sampler que quelqu'un d'autre a déjà utilisé dans une autre tune. Ça, c'est rip-off. Exactement. Hein. C'est capoté. Et voilà. Fait que la même maudite affaire. Fait que les Bingo Boys, ils n'ont rien inventé. On s'en doutait, mais là, enfin, on sait qui on veut. Une poursuite de droits d'auteur live. Il y a des millions à se faire. Denny, si tu nous écoutes, j'imagine que tu dois être un fan de 70%. Là. Ben là, tu sais quoi faire maintenant. Là. Bingo Boys, appelle ton avocat. Voilà, c'est ça. Sinon, j'ai un autre truc complètement par rapport avec quoi que ce soit. Je suis tombé aussi là-dessus par hasard en allant l'autre fois sur la page Facebook de 70%, parce qu'on en a une. Si vous êtes sur Facebook puis vous ne le saviez pas, allez liker notre page. Mais saviez-vous qu'il y a également une chanteuse japonaise qui s'appelle Chara qui a fait une toune qui s'appelle 70%. Et puis, sa page Facebook, à elle, est remplie de nos posts par genre d'erreur. Si on va sur sa page à elle, sur la page de la chanson 70%, on peut devenir fan de sa toune. C'est marqué « Related Posts », puis c'est toutes des affaires de nous autres qui parlent de nos chroniques. Puis il n'y a rien qui a rapport avec elle nulle part. Puis elle nous a pas masqué, bloqué quelque chose? Non, je sais pas. Je sais pas si jamais Chara nous écoute. Chaque FM à la rescousse pour les écouteurs. Pour les écouteurs, oui. Pour plugger le fil à la bonne place. Ouais. Là, c'est pas, c'est un gros problème technique. On s'entend, là. Mais là, il y a deux hommes là-dessus. Ça se peut pas que ça se règle pas. En attendant, on peut écouter la toune 70%, entre parenthèses, Yugure no Uta. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Ça sonne 70% dans ma tête. Quand même. C'est du jap pop, là. Ça de cochon. Wow, c'est comme la Elisabeth. J'ai perdu le son pendant un instant. C'est parti des problèmes techniques. Et voilà, Chara, 70%. Pas particulièrement mauvais ni douteux tellement. Là, c'est plus pop facile. C'est cute quand même. C'est juste... On dirait du genre le petit trip-hop, le cute. Problème technique réglé. Oh! J'ai été chercher de l'aide et je l'ai eu. Ouais. Après, je vais tellement aller voir où est-ce qu'il se pluguait ces maudits écouteurs-là. Ok, cool. Pour la prochaine fois, tu sais. Voilà, fait que je voulais juste en parler parce que c'était 70%. Vous avez du monde outre-mer fan de 70%, si je comprends bien. Ouais, non, ils sont pas fans, mais ils sont fans par défaut. Mais non, ils sont fans. Arrêtez d'être humble de même. On a du monde outre-mer fan de nous, mais je suis pas sûr que Chara en fait partie. Mais là, peut-être que même qu'elle reçoive un chèque, elle va être beaucoup plus fan. Elle va devenir fan, peut-être. Je sais pas combien ça y paye, là, mais voilà, c'est ça. Un gros 10 cents, la toune. C'est possible. Sinon, un autre excellent album que j'ai vendu à l'encan, ça s'appelle « Ça swing avec Zizette ». Puis j'en ai fait jouer la semaine, là 2 semaines. Puis ça a beaucoup pogné, fait que j'ai décidé d'en faire rejouer un autre. On va y aller avec une excellente chanson qui s'intitule « Monsieur le soleil ». Ça, rappelons que Zézette, j'ai aucune idée c'est qui pour de vrai. C'est pas écrit sur le disque. Je sais pas si c'est une petite fille ou si c'est une femme qui prend une voix de petite fille, ce qui semble être peut-être le cas, là. Puis quand on cherche sur Internet, on trouve pas grand-chose. Puis quand on cherche sur Wikipédia, Zézette nous redirige vers la page sur la vulve. Donc, J'aurais pensé la bisoune, moi. Ouais, ben pourtant, tu vois, c'est... Puis moi, je me disais, c'est peut-être... T'en avais pas vu, là, 3 semaines? Ouais, j'en avais mis, c'est ça, j'en remets, là. Ok, tu remets des zézettes. Oui, parce que, écoute, c'est tellement bon. On n'en parle jamais assez. On parle jamais assez de zézettes. Puis même, moi, je me disais peut-être que zézette, ça veut dire vulve, genre en France. Puis ouais. Lilian Chout nous a dit que non. Pourtant, lui aussi, il aurait cru que c'est genre la bisoune. Fait que je sais pas pourquoi sur Wikipédia, c'est de même. Fait qu'il faudrait peut-être aller arranger ça. Ça nous empêche de trouver la vraie zézette. Hey, c'est bon, c'est bon. C'est ça, hein? C'est pur, moi. C'est plus un mot que je cherchais. Fait que, ouais, j'ai tout pour moi à la star. Hey, final. Ah, c'était pas pire plate, ça. Ouais, c'est quand même quelque chose. Il y a quelqu'un qui a acheté ça, je sais plus qui, là. Quelqu'un a acheté cet album-là. Que de regrets. On la salue. Que ouais. De regrets. Cette personne-là se reconnaît, elle peut nous écrire à 70% à gmail.com. Mm-hmm. 70POUR100@gmail.com. Voilà. Donc, on poursuit? Ben, on poursuit. Oui. C'est moi qui continue ou c'est toi? Ah non, vas-y, je vais essayer de trouver une lettre de secondaire, j'ai pas lu. Ok, c'est bon. Fait que je vais te mettre un autre excellent tune en attendant. Rien de tel qu'une petite traduction pour faire du bien. On a Daniel Guérard ici qui nous reprend un grand succès de Bob Dylan. Combien de routes un garçon peut-il faire? S'excuse à Bob. Avant. Ah, ça te paye comme l'original. Moi, je ne vois que du feu. Combien l'oiseau doit-il franchir? C'est la reprise de quelle tune originale, ça? C'est la reprise de Blowin' in the Wind. Ah, c'est ça. Check bien le refrain, ça vient. La réponse, mon ami. Combien de morts? Je ne suis pas un connaisseur de Bob Dylan, mais je vais te faire confiance. Ah, oh, oui, tu vois. Dans ta connaissance. On peut skipper? On peut toujours. Ça, c'est signe que c'est vraiment bon quand tu fais dire ça. Ouais, je pense qu'on pourrait bientôt, après, dans 2 tours, mettons, vu qu'on a beaucoup de temps à remplir, passer à notre ami Francis. D'accord. All right. Deux dernières. Prenez votre temps, hein, je veux dire. Tu veux? Plus que vous faites jouer de la merde avant, plus que moi, ça va paraître bon ben, après. Ça va être... Wow! C'est beaucoup mon rôle, en fait, sur ce show-là. Ben non, mais c'est les pas vous faites juste jouer de la merde. Non, vraiment pas. Parce que Daniel Guérard, c'est excellent. Non, c'est ça. Ben, j'avais parlé de la skipper. Les allégations de corruption dans le monde municipal. Fait que s'il en reste 2, ça serait l'optempénumilième. C'est le mot que j'ai appris en fin de semaine. Ça veut dire l'avant-avant-dernier. L'antépénultième, je pense. L'antépénultième, pardon. Oui, OK. Je l'ai même pas dit comme ça. T'as appris ça à l'école? L'antépénultième. Oui, effectivement. L'avant-avant-dernier. L'avant-avant-dernier. Bravo. Dans quel contexte t'as appris ça? Ben, j'étais avec mon ami David Vallée, puis on était rendu à l'avant-avant-dernier niveau d'un jeu vidéo. Comme quoi, le jeu vidéo peut nous apprendre beaucoup. Ben okay. Voilà. Fait que, OK, je change complètement de genre pour avoir quelque chose de tout aussi plate. Qui s'est vendu à l'encan également. Le fameux album de Yves et Martin. Ah non, pas eux autres. Yves Pépeltier et Martin de Rainville qui ont fait un duo le temps d'un seul album. Et un homme bonhomme, puis d'autres choses de même. Et voilà, là, c'était un homme bonhomme. C'est bon que le film avec Benoît Brière. On pourrait quasiment la laisser. On va la laisser jouer, puis on va revenir avec... OK, avec Francis. All right. Mais là, si je ferme les micros, ça marchera plus. Faut pas que tu fermes le micro 6. Faut que nous autres, on parle pas. On peut parler. Bonjour, ici DJ Georges de Radio Cochonnerie. Vous écoutez présentement Choc FM. Problème technique. Ça marche quasiment. Ouais, c'est un Mac, c'est supposé marcher. Non, c'est un PC. Un Mac, ça plante jamais. On attend notre ami Francis qui fait de la musique avec son DS. C'est quoi le nom de ton band? C'est-tu toi tout seul? Tu t'appelles Francis? Ouais, c'est Francis Ford de Palma. Parce que je m'appelle Francis Lapam. Puis c'est d'ailleurs Frédéric Fournier qui a trouvé une partie de mon nom. Parce qu'il a dit... Frédéric Fournier, ça, c'est le grand nouveau, ça? Ouais, le grand nouveau. Parce qu'il a dit... parce qu'avant, mon nom, c'est Frank de Palma. Parce que Lapam, tu sais, de Palma. Ah, tu sais. Tu sais, un jeu de mots vraiment en poche. Mm-hmm. Mais là, il a dit, hey, tu pourrais rajouter Ford, tu sais, pour Francis Ford Coppola. Puis en plus, ça a rapport avec deux noms de réalisateurs de films. Oui. Puis je fais de la musique. C'est vraiment... C'est drôle, ça hein? Donc... Non, ça n'a aucun rapport! Invité! Problème technique! Invité! Fait qu'en gros, c'est ça. Puis ça fait 2-3 ans là, que je fais de la musique là-dessus. Là. Puis là, j'ai trouvé enfin mon concept de mixer mes... Genre, chaque Nintendo DS, ça sert... utilisé comme une table tournante, si je peux me permettre, mais de mes propres tunes, puis je mixe ça, puis j'ai bien du fun. Est-ce que c'est seulement avec des DS que tu travailles ou avec d'autres périphériques? Je fais aussi la musique avec, par ordinateur, mais pour l'instant, c'est qu'au moins ça donne un peu plus d'interactivité que juste regarder un gars devant son laptop en train de Ouais, de faire danser. Semblant de peser sur quelque chose quand tout est déjà préprogrammé, puis t'es comme ouais. Comment ça marche pour faire de la musique sur un DS? Ça doit être avec l'écran tactile. Ouais, ben c'est Korg qui ont fait un programme spécifique à ça. Le Korg DS. Donc ta DS est craquée. Non, c'est officiel, c'est officiel? Legit, tout est legit là-dessus, venez pas chez nous défoncer. Ça s'achète, on peut acheter une cartouche, puis on joue à ça. Ça s'appelle Korg DS10. Qu'est-ce que ça fait, en fait, ce logiciel-là? Ça fait Ben, t'as deux tracks de synthé, okay. Que tu peux faire tes propres sons de synthétiseur, mais tu pars de son de base, puis là, tu cut-off, puis tu fais toutes les patentes que tu veux, puis t'as quatre tracks de drum, c'est tout. Ah, t'as trois effets, ben tu peux mettre un effet sur tout, puis ben tu t'arranges avec ça. Mais c'est le fun parce que c'est assez limité, fait que tu peux pas rajouter comme 25 tracks par-dessus, genre à la Tiesto ou whatever the fuck, là, puis genre rajouter plein de stock, puis... Fait que toi, tu trouves ça le fun, dans le fond, le fait de travailler dans un monde avec plein de contraintes, puis de en faire de quoi quand même, de popper. Mais là, t'as pas le choix de faire quelque chose, c'est que si c'est pas bon, ben... Tu peux pas rajouter d'autres choses pour masquer le fait que c'est pas bon. Ça va juste rester pas bon. Fait que c'est ça plus reste... pur. Oui, c'est ça, exactement. Ça... Tu sais, je pourrais rajouter une voix autotune, mais... Ça sera pas mal. Tu fais ça, d'habitude, tu mixes deux DS en même temps? Ben, d'une tune à l'autre, comme un DJ set, finalement. Ok. Pour éviter les temps morts, tu sais. Ouais. Très fort. Hey, ça roule là-dedans. Ah, j'ai essayé, man. J'ai beau être chauve. Fait que, ben, check. Moi, je suggère qu'on écoute une toune. Fait qu'on fait voter Danny Daniel. Non, c'est pas vrai. On attend son appel. C'est ça. J'espère qu'il écoute encore. Juge-moi pas trop, s'il te plaît. Non, pour de vrai, on a le choix entre Prestart et Fine Date. Polysab. Non, ça, c'est comme un cimetière, les icônes, tu sais. Ah, qu'est-ce comme un cimetière? Ah, c'est tout en rapport avec des jeux vidéo. Ouais, si tu veux. After the tree, turn left. Moi, je mettrais bien juste Prestart, là. Ça, sens, ça partirait bien. C'est mon premier choix. Ouais. Ah, OK. Ben, écoute, déjà un favori des auditeurs, voilà. Nous autres. Fait qu'on se laisse on va se laisser bercer une coupe de temps, puis après ça, on vous revient avec juste des hits à 70%. Là, tout le monde va hyper. J'espère que ça va marcher. Mais j'espère. Sinon, on peut continuer à dire ça. Ça. Ah oui, ça marche. Ça marche. Ah, c'est... Ok, on se quitte. J'étais enchanté de me faire bercer par Francis Ford de Palma. Ben oui, c'est bon. Est-ce que tu chantes des fois par-dessus tes chansons? Non, ça, c'est un autre projet. Là. J'ai un genre de walkie-talkie qu'un gars m'a comme repatenté. Puis ça, c'est un autre projet. Ça risque peut-être de s'appeler Francis Ford. Okay. Ah, ok, pour ça va être le projet plus intimiste folk. Ça, c'est quand je vais avoir vraiment plein de succès. Puis là, je vais dire, ah, c'est-tu que c'est de la merde? Puis là, je vais tout envoyer chier tout le monde. Puis là, je vais faire un projet qui n'aura aucun rapport avec le reste. Puis je vais masser sur mes millions, puis ça pognera pas. Ouais. Bref, faire un album solo comme Billy Corgan, puis c'est... me faire cracher dans la face après. Tu vas partir de ton projet plus. Solo en side ouais. de ton projet solo. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quand même pas périmé ça. Fait que je pensais quand même qu'on pourrait en mettre une autre, genre tout à l'heure, juste avant de mourir. Ouais, oui, ça serait bon. Finir okay. le choix avec ça. Ouais, c'est ça, comme ça, on va pouvoir se sauver puis laisser la salle dans l'état où ce qu'elle est au prochain. Exact. Bonne stratégie, man. Je sais pas comment fermer les affaires. Ferme le master, c'est tout ce que t'as à savoir. Donc, on a-tu d'autres questions pour Francis pour tout de suite? Tu joues dessus? Est-ce que t'as des REER? Non, non, j'ai aucun REER. Ou pas gros de sécurité financière. Est-ce que t'arrives à vivre de ton DS? Non, non, non. Il faudrait que je commence à faire des shows parce que j'ai un band avec qui s'appelait Mon Nom est Frank. Notre spécialité était faire des pas vrais shows. Ben, notre premier show, c'était dans une cuisine. Hein? Après, on a upgradé dans un salon. Puis après, c'est au cégep du Vieux. Ah, puis le band est mort. Ah, ben, fait que là, c'était pour moi, c'est un gros upgrade de faire ça dans une vraie salle. C'est une ascension fulgurante. Oui, quand même. Trois shows, tang. Comme The Police, tu sais, au top. Au top, mais bien vite. Ben Chris, ok, le manger, toi, c'est pour ou contre? Avoir faim, tu penses que c'est ben, j'ai mangé du McDo avant de m'en venir, fait que je suis pour, man. Ok, ok. Connais-tu le mec gangbang? De quoi? Connais-tu le mec gangbang? C'est-tu le double down de KFC, ça? Non. Tu t'achètes un junior au poulet puis un cheese double. Puis là, tu sépares tes deux boulettes de cheese double en deux puis tu mets le junior au poulet au milieu. Puis là, tu refermes le tout. Tu croques. Puis ça goûte même que... moi, là, mon estomac en ce moment, il fait non. Ah, mais moi, puis Evelyne, on se l'est fait une fois. Ben, ouais, moi, il me l'a fait un soir de un soir de déprime. Un soir de déprime ah, ouais. solide. Il a dit Allez, bébé, je t'amène au McDo, McGangbang. Ça t'a fait du bien. D'ailleurs, après, je pleurais plus. Tu t'en donnes de douleur, là. Mais d'ailleurs, tout le monde, une fois dans sa vie. Ça a changé le mal de place. Tout le monde, une fois dans sa vie, doit essayer au PFK le Double Down. Ouais. Vous allez le regretter, mais en même temps, vous allez tellement être satisfait. Mais une fois. Faites-le juste une fois. Moi, je l'ai fait une fois. Là, c'est le genre d'affaire qui donne envie de faire du jogging toute la semaine. Mais moi, j'ai pas osé. C'est du poulet avec du bacon, du fromage, puis une autre poitrine de poulet parce que le pain, ça tue le goût. Fait qu'ils ont juste pris deux poitrines de poulet frites, puis ils ont sacré un sandwich avec ça. C'est ça. Ils ont remplacé. C'est comme un sandwich au bacon dont le pain est remplacé par des poitrines de poulet frites. Fucking awesome. J'ai pas osé en manger, j'ai choqué à la dernière minute, mais j'en ai commandité une à Cédric Taillon, peintre officiel de 2.org. Puis lui, il a été déçu, par exemple. Ah ouais? Bon, mais, avait été déçu. Moi, je pense que ça vaudrait la peine qu'on l'invite pour en parler. Qu'on le déguste aussi, peut-être. En onde? En onde? Ouais, une dégustation. Ah ouais, mais on n'a pas le droit de manger en studio, c'est ça le problème. On peut demander une autorisation. Mais faudrait... Ah oui, une autorisation spéciale. Mais... moi, je serais prêt à en manger. Puis on réinvite Pédo. Je pourrais en manger un quelque part d'autre, puis vous appeler. Puis en onde live, puis vous en parlez live pendant que je le mange. Moi, on pourrait demander à Bruno. On appelle-tu Bruno pour lui demander? C'est ça, Bruno, va te chercher ça. Fait que j'ai. Les lettres de secondaire, oui. Oui. Justement, pendant qu'on en parle. Hey, ça commence en cochon, ça finit en bouton. Ah! Fait que. Donc. Fait que là, t'en as une lettre de secondaire? J'en ai deux, en fait. Je commence par celle que j'ai écrite ou celle que j'ai pas écrite. Vas-y avec celle que t'as pas écrit comme ça. Ceux qui ont jamais vu ça, ils vont pouvoir bien juger de ton écriture ouais, après. Ouais, celle avant. Okay. Celle que t'as pas écrit. La vraie. Fait que, écoute, salut Zach, comment ça feel? Moi, pas pire, ça irait mieux si tu me réécris une lettre un jour bientôt. Puis, ça... vas-tu me prêter ton disque de X-Files ou de Offspring? C'est la constellation qui joue, tu trouves ça nul, même si c'est bon. Ben, je pense que je vais te laisser avec mon... syndrome de la feuille blanche. Syndrome était très mal écrit. Ah oui, j'imagine. Fac, see you, Annie Bourgoin, XXX, PS, I love Alphonse et Billy, PS2, c'est qui ton kick? Un PS2, c'est la première fois que j'entends un PS d'un PS, c'est vraiment... un PS2. Ben d'habitude, c'est comme PPS. Faites-le, en fait, c'est vrai. T'arrêtes là, tu sais, rendu là. Faites-le, moi, voyons, il y a une fille qui me croisait, ou je sais plus c'est qui croisait qui, en tout cas. Il dit, ben, je vais t'écrire une lettre de secondaire. C'est la fille qui voulait boire de la bière dans ton trou? Ouais. OK. Dans quel trou? Le trou qui a. J'ai un trou dans le chest. Ah! Phew! Sur la poitrine. En fait, là, on était bien chaud, puis là, j'ai dit, ben, va t'écrire une lettre de secondaire, tu vas voir à quel point je peux être charmant. Puis, fait que je vais vous la lire, je vais la tester, puis si vous êtes pour ou contre, après, on va faire un petit tour de table, sinon, je vais faire les ajustements nécessaires pour faire. Ouais, une... pour que ça soit vraiment okay? Une bonne lettre de secondaire. Allô, Marie-Michel, comment ça va? Moi, cool, à part que je suis en français puis que la prof est full folle. J'ai foulard ta mardi parce que j'ai une date avec mon nouveau kick. C'est toi. Je l'ai rencontré au party chez Matt en fin de semaine. Elle m'a dit son lait de tes cheveux puis on a full ri, lol. À l'école, le monde, il parle full fort par-dessus les profs puis ça m'énerve genre full, tu sais. On est supposé être full mature, mais là, j'ai l'impression qu'il y a juste moins de full mature. Ma mère est full fatigante, elle dit que je devrais écrire ma liste de cadeaux tout de suite pour Noël. Moi, je lui dis qu'on est encore genre en full novembre. Bon, ben, j'ai plus rien à dire. Fait que see you, Israël. Excellent, excellent. J'ai quelques critiques, si je peux me permettre. Il y a trop de foule. Là, dans ce temps-là, en passant, enlève le LOL, secondaire, ouais, ça marche pas, les réseaux sociaux. Dans le temps, il n'y avait pas de LOL, non? Le LOL, c'est trop récent. Ça ouais, mais une lettre de secondaire actuelle, ça se peut. Ah, ben là, ça pourrait être correct. Ah, OK, ça, ouais. Je sais pas, faudrait que j'appelle ma sœur puis je lui demande une coupe de lettres. Ouais, mais tu pourrais remplacer une coupe de foule par des super. Ouais, ça serait bien. Ah, super, cool, super, ouais. Genre, ça serait bien que tu supposais être super mature, mais. C'est ça, exact. Quelques-uns. Puis tu pourrais aussi, je pense, peut-être que j'ai mal écouté, mais t'as pas parlé de ton groupe préféré. Ça, c'est important d'en le mettre. Ouais. Marilyn Manson, dans le temps, mettons. C'est ça, Marilyn quelqu'un Manson. De même. Puis il manque trois becs et une fraction à une saveur. Il manque un PS aussi. Ah, PS, ouais. Fait que c'est juste des petits trucs que tu pourrais rajouter, là, puis ça sera encore mieux, mais pense, déjà, c'est excellent. Pense parler en SMS, c'est ça aujourd'hui. Tu sais, coupe tes mots, là, mets une orthographe vraiment nulle, là, puis tu vas parler en c'est allemand. Vrai. Mais ça tue la romance, hein? Donc, Evelyne, t'étais à job en fin de semaine, puis t'écoutais les nouvelles, puis t'as entendu oui, quoi? Ah, c'est vrai. Ah, j'aimerais ça aussi remercier ma mère, avec qui on a joué une partie de crib l'autre jour avec Israël. Ben oui. Parce qu'elle m'a acheté un plumeau avec de véritables plumes d'autruche. Ah, ouais. Wow. Faire épousseter est rendu. Ouais, c'est rendu un plaisir. Ouais. Mais oui, j'étais à job en fin de semaine, là. Depuis la dernière fois que je suis venue ici, là, c'est tellement passé d'affaires dans ma vie, là. J'ai déménagé, je me suis trouvé un nouvel appart, j'ai une nouvelle job, j'ai des nouveaux colocs, puis tout. Puis là, à ma nouvelle job, c'est d'écouter les nouvelles, puis de retranscrire les nouvelles, comme de faire des petits résumés. Ah, c'est donc, d'utiliser mon esprit de synthèse à ses capacités maximales. Tout ce que tu as appris à l'université, bref. Oui, oui, c'est ça. Pendant les deux semaines que j'y ai déposé mon derrière. Et puis, là, il y avait une marche silencieuse pour souligner contre blabla la violence faite aux femmes et les mutilations sexuelles faites aux femmes. Et puis, il y a un organisme montréalais qui veut construire un hôpital au Burkina Faso pour redonner le clitoris à ces femmes et par le fait même leur féminité, leur dignité. Ça se fait, et ça. Et puis, tout ça, le processus, je suis vraiment d'accord. Même, je pense que je vais aller faire du bénévolat, mais l'organisme s'appelle Clitoraid. Cool. On dirait le mélange parfait entre Gatorade et... Cutoris au Kool-Aid. Oh yeah! Écoute, c'est cacasse. Ça, ça m'a vraiment marqué. Ah, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ça, à part ça, on entend... Ouais, ben c'est parce qu'on n'avait pas de nouvelles aujourd'hui, fait que je me disais que... Ah, yep. Non, c'est vrai, hein, Bruno, il n'est pas là. Ouais, oui, on n'est pas informé. Puis ben, sinon, qu'est-ce que j'ai appris aussi... Mais je tiens à dire, parenthèse, tu as parlé de violence faite envers les femmes, il faut parler aussi de la violence faite envers les hommes, ça, parce que ça, elle existe quand j'suis même. Ouais. Sujet tabou, mais ouais, parenthèse, continue ce que tu dis. C'est surtout de la violence psychologique, par exemple. Ouais. Non, crois-moi, c'est pas juste psychologique. Dis ça de même. Fait que continue. Ouais, ouais, une autre affaire, moi pas vraiment importante. Ça pourrait s'appeler le pénicide. Decade! Decade. Ah oui. One decade of ça, decade. J'avais trouvé ça drôle aussi qu'il paraît que quand les hommes regardent une image d'une pièce de viande rouge cuite, ça les rassure. ça les calme. Rassure. Oui, ça les calme. C'est notre côté carnivore qui fait comme... Ouais. Ça, je me sens mieux quand je vais au McDo, moi. Ça me calme. Tu sais, les images de boulettes partout, là. Ah ouais. Ben, c'est... Non, je m'en ai dit peut-être parce que tu peux faire la comparaison un vagin avec un smoked meat, fait que la viande rouge, je sais pas. Ouais. Hey, on s'en va loin, là. Je pense qu'on s'éloigne de notre sujet. Ben non, ben non. Qui était? Je pense qu'on pourrait peut-être parler un peu du film de ce soir parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Ah, je serais tellement fier que je parle à la radio de vagin puis de smoked meat, là. Ouais, mais en tout cas... Ben, c'est quoi moi, j'aime la, ça, les la nounes de chez Twars. Ouais, est-ce qu'on le sait, Étienne? On va le savoir là, dans quelques instants. Ah, quand même. Personne ne le sait. Problème technique. Le c'était Supernova, en fait, je crois. Penses-tu? Un film de science-fiction post-apocalyptique, j'espère. Ouais, avec des acteurs puis tout. Fait que, ah, wow. Étienne Forest, est-ce que tu vas nous lire le texte que tu as mis pré-certifié? Oui, j'y vais. Avec des mots compliqués puis tout, là. Oui, tout à fait. Alors, donc, voilà, c'est Star Odyssey. C'est ça? Moi, c'est ça que j'ai reçu. Star ah, Odyssey. Oui, c'est ça. Alors, dans une galaxie lointaine, au-delà du bon goût et à l'abri des critiques de cinéma positives, existe Aldébaran. Je ne parle pas de l'étoile 44 fois plus grosse que le Soleil, mais bien d'une planète pleine de gros plans de faces maquillées supposément riches et habillées en lutin. C'est ça que ça a l'air hot. Hein? Dans cet univers de laboratoires scientifiques aux lumières scintillantes et aux chaises affreusement standards, on retrouve une vente aux enchères des moins intenses. Là, le destin d'une lointaine planète inconnue, fortuitement appelée Terre, sera joué entre des robots à face de céramique et le mandatoire couple de héros amoureux, maître des zoomines mal à l'aise. On reconnaît ici le texte écrit par Tommy Goddard quand même. Après une série de prétextes malencontreux et la découverte du méchant du film, les héros vont nous faire atteindre quelques sommets du malaise en dédoublant et fait spécialement des robots à la coupe de cheveux de René Simard. Ça, moi, ça me touche. Vous allez également tomber amoureux d'une des plus fabuleuses inventions du cinéma, les lumières de laboratoire. Car tout ce qui était et ou sera, de près ou de loin, un laboratoire, se doit d'avoir sa propre collection de lumières qui scintillent, encore plus quand on est autant distant des règles usuelles de l'esthétique visuelle. Qu'est-ce que c'est ça, Chris, de l'anti-adérium? se demande-t-il à brûle pour point comme ça. Puis, comble du malaise, vous allez subir les géniardises d'un couple de robots suicidaires. Une autre de ces phrases qui mérite d'être lue. En effet. Alors, puis, comble du malaise, vous allez subir les géniardises d'un couple de robots suicidaires. Voilà, c'est fait. Après nombre de péripéties apathiques, le malaise sera encore une fois sauvé grâce à notre acrobate ambigu de héros qui recharge le couple de robots suicidaires pour offrir à cette bible en papier science-fictionnelle son élément comique désagréable multiplié par deux. Renforcé de ceux-ci, additionné de l'implication au malaise du boss des méchants, en plus de cette densité anormale de gros plans de ce côté-ci de l'Asie, on peut s'attaquer à débouler le long métrage vers le malaise final, peuplé des effets spéciaux du début du film, de papier d'aluminium et de céramique de macramé. Bien sûr, le prétexte au développement de l'action sera de très mièvre importance quand on va le comparer au malaise provoqué par les décors et la mise en scène de photoromans, ce qui explique que je n'en parle pas. Phrase prononcée par un personnage masculin exaspéré. Ah, les femmes robots! Mais au-delà des dialogues de Bazooka Joe, de la pédance du héros, par-delà les monstrueux costumes de méchants et la qualité abysmale de la pellicule, loin outre les limites évidentes de ce que l'on peut oser vouloir considérer comme arme laser, à des années-lumière d'être à l'aise de regarder les costumes de robots et les faces en gros plan, se trouve la trame sonore. Qui a bien pu vouloir nous couper sec tous ces bruits de l'espace en considérant la voix des robots comme au pinacle de ce que le mieux peut faire? Les dialogues comme étant bien rendus et nos cerveaux comme respectés. Vous remarquerez le move spécial à l'épée du héros. Bloqué en haut, tranché à l'horizontale dans le ventre, répété une fois par robot avec la coupe de cheveux de René Simard. Il m'a semblé reconnaître le héros de 2019 dans le rôle du boss des méchants. J'ai pensé faire des recherches, mais une crotte de nez insistante m'a distraite. Quoi qu'il en soit, si vous éprouvez un malaise, c'est que vous allez écouter ce soir, et avec nous tous, Star Odyssey. On est tout près du moins 8. Oh. Fin du texte. Alors, voilà. D'ailleurs, j'ai voulu faire une joke poche quand t'as dit ça t'a touché, puis t'as dit René Simard, ben ouais. Je m'en vais dire lui aussi. C'est voilà, c'est tout. C'est vraiment. Donc, ça a l'air très pas intéressant. On va tous se retrouver ce soir au Brouhaha pour écouter ça. Ouais. Ben, moi, j'y vais pas. Evelyne non plus. Étienne non plus. Non, moi, puis toi, Francis, tu y vas-tu? J'habite à côté, je me sens un peu poche de pas y aller, là, mais je vais checker ça. Il y a, là, avec le beau synopsis qu'il m'a fait. Mais là, écoute, tu peux pas y aller. J'avoue que j'y irais. Robot suicidaire, je vais garder ça en tête, là. Déjà qu'un robot veuille se suicider, déjà en partant, c'est awesome. Ah, ouais. Les femmes robots. Les femmes robots, hein. On a-tu hâte de voir pourquoi? Pourquoi que le gars est pas content des femmes robots? Ah, on a-tu hâte? Mais moi, en tout cas, je vais être là ce soir pour vrai, là. Ah, tu y vas? Ouais, je vais y aller. Fait que ça peut inciter les gens à y aller aussi. Ben, moi, d'ailleurs, j'adore ton t-shirt NPC. Je joue beaucoup à Fallout ces temps-ci. Fait que non-playing character. Et voilà. Fait plaisir. Il y a quelqu'un qui me dit, ah, je pensais que c'était NPD. Fait que c'est là que je me suis rendu compte qu'un non-playing character, c'est à un pas d'être un NPD. Ah. Voilà. Un PD? Non, mais un nouveau parti démocratique. Ah, OK. Qui est lui-même un non-playing character sur c'est la politique pas New York nationale. Voilà. Donc, on en est où dans notre émission? Il nous reste... Il reste un gros 5 minutes. Reste 5 minutes? Non, il reste une demi-heure. Ah, OK. Moi, je pensais que finissait à 8 heures. Ah, ben, écoute. On a du temps. Ah, OK. Ben, hey, écoute, on peut en dire de la merde en 35 minutes. Problème technique. Problème technique. Ben, là, ça a l'air à marcher. Ben, je pense que, Étienne, tu pourrais nous remettre un petit bundle. Puis moi, j'ai essayé de fouiller pour une autre lettre parce que je viens d'en trouver une couple dans mon sac. Oh, OK. Je sais que, puis on va revenir à des questions à Francis, bien sûr. Puis Evelyne va nous conter des jokes tout le long aussi. Ouais, tout le long. Tel qu'on le connaît. OK, ben, je vais y aller avec quelque chose. On peut-tu te faire des demandes spéciales, genre, te donner des défis? Ouais, ça pourrait être intéressant. Tu peux essayer. Ben oui, laisse-toi aller. Ça se peut que je réussisse pas, par exemple. Prépare-toi à être déçu. Une enfant qui parle de sexe, mettons. Non, elle a là, on va faire. OK, non, OK. Le jeu des défis est terminé. Parle de corruption non, attends. Municipale. J'ai pas eu un enfant qui parle de sexe. Par contre, j'ai une toune qui parle de sexe avec des enfants. Ah. Et non pas une toune qui parle de sexe. Ah, ben, dans les défis, ça marche. On peut peut-être continuer à jouer. Ah oui, non, ça marche. Là. Regarde bien ça. Là, on parle pas d'une toune qui parle de sexe dans laquelle il y a des enfants. Là, mais non, c'est plus l'inverse. On parle d'une toune qui parle de sexe avec des enfants. Donc voilà, ça s'appelle, oui c'était excellent, ça m'a été envoyé d'ailleurs par un nouvel ami collaborateur qui s'appelle Monsieur Timpan qui fait un show de radio en Belgique et qui ressemble un peu dans le fond à ce que je fais, mais là-bas. Puis, puis Francis et Evelyne, n'oubliez pas de penser à ce que vous allez demander à DJ George tout à l'heure. Oui, pensez-y bien. Pour continuer le petit jeu. Ben oui. Puis ça s'appelle, le gars s'appelle Nato et puis il a fait un album, que c'est un 45 tours. D'un côté ça s'appelle « Je t'apprendrai à faire l'amour ». Et de l'autre, ça s'appelle « L'amour interdit par la loi ». Oui, mesdames, messieurs. Boy. Alors, on en fait jouer un extrait. Wow, c'est tellement illégal sur plein de niveaux, là. Ouais. Ce qui est beau, c'est que sur l'arrière de la pochette, on le voit, lui, nu, en train de parler avec deux enfants nus également. OK, c'est super avoué à son ouais. Écoute, dans les années 70, tu peux faire comment ce que tu veux. Je ne servais à rien. Ah, il se prend pour Serge Gainsbourg. Je n'étais... que le jouet d'une végétation arriérée. Être le jouet d'une végétation arriérée. Le rêve de tous et chacun. C'est ce petit beau texte. Je ne sais pas pourquoi l'amour est interdit par La loi! OK. La loi! Vraiment, j'ai jamais entendu une toune où est-ce qu'un gars s'avoue autant pédophile que ça. Il y en a pour moins que ça qui vont en prison. Exact, c'est comme ça. J'étais surpris. La toune super joyeuse. C'était en 1969. Je peux pas croire que c'était légal dans ce temps-là. Là, comment. C'est bizarre. Juste la pochette, je me sentais mal de la regarder. Voilà. T'as-tu des photos sur ton ordi? Ouais. Tu peux venir voir. Je vais me déplacer. Ah, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de venir voir. Et barnache. OK. Si les auditeurs pouvaient voir la photo en ce moment, c'est d'un douteux. D'habitude, j'ai mis sur notre page Facebook, mais là, j'ose pas parce que je vais me faire arrêter. Peut-on expliquer l'action? Ben, en réalité, c'est un peu hippie. Là. On voit, dans le coin gauche... Un peu, c'est très hippie. Un petit garçon qui a l'air d'avoir, mettons, 6 ans, puis une petite fille qui a l'air d'en avoir, mettons, 3, nu, face à face. Puis entre les deux, on voit Nato, le chanteur, barbu, moustachu, cheveux longus. Accroupi, lui aussi nu, en train comme de discuter avec eux autres. Puis, une bouteille à la main. Puis à droite, on voit une femme nue assise sur un tuyau. Puis c'est marqué Nato, puis on a les titres des albums. Puis voilà, c'est ça, sur fond vert en plus. C'est très beau. Il a dû avoir une discographie très prolifique, ce cher Nato. Oui, d'après moi, il n'y a rien que fait ça. Trouvé d'autre. Quelle déception. J'aurais voulu avoir Pédophilie Partout. Mais donc, Vlad de Francis, est-ce que vous avez un défi pour notre ami DJ Georges? Moi, je suis très... T'as-tu des chansons qui parlent de mobilier? De mobilier? Ouais. Oui, j'en ai une, puis je sais de qui en plus que je vais te voilà. Dire. Et voilà! Ok, un instant. Ça en parle un petit peu, mais c'est pas le sujet principal, là, quand même. Est-ce qu'il dit assis sur le canapé ou devant la machine à café? Non, pas tout à fait. C'est une chanson de ton préféré, Evelyne, en plus, que je suis content. Claude François. Qui nous chante aussi. Elle est en train d'inventer des mots tellement qu'elle est contente. Oui, elle est toujours heureuse à chaque fois que j'en fais jouer. Ça s'appelle « Les choses de la maison ». Je pense qu'il va parler de sa bouilloire. Les choses vont changer, tu sais, ici. T'aimes vraiment ça, hein? Non, j'ai pas. Ah, ok. Moi, ma coloc, c'est Joe Dassin. C'est que ça me fait chier, Joe Dassin. Ah, elle a fait ça. Il est très condescendant. He's the king of the king. Ouais, c'est pas si pire, ça se toffe. Ça se toffe quand même. Je sais bien, là. Fait qu'il essaie de faire revenir sa blonde à la maison en disant « Depuis que tu m'as quitté, toutes les choses dans la maison s'ennuient de toi. » Fait que reviens pour eux si tu le fais pas pour moi. Reviens pour les divans. Donc, Étienne, t'as-tu une toune qui parle de caca? Oui, ça c'est sûr, c'est pas difficile. D'ailleurs, dernièrement, j'ai vu un clip YouTube très perturbant qui explique le caca aux enfants. Ah, on l'a tout vu. Japonais, c'est tellement, v'là, un mois, là. C'est tellement en retard. Ben là, je m'excuse, tu parlais de caca. J'essaie de suivre la thématique. Non, non, mais oui, ça fait pas trop longtemps qu'il est sorti. Ouais, ouais, ça, c'est nous. Mais c'est qu'il y en a un qui se fait faire caca dans la face. Ouais. C'est juste un bout de qui ouais. Il y en a qui se baigne dans du caca. Ouais, aussi. Ouais, aussi. Le burger au caca. Avec des crottes qui flottent, là. Ouais. Là, là, les trois auditeurs qu'on a, il y en a deux qui viennent de crisser le camp, là. En fait, si vous voulez trouver le fameux clip sur YouTube, je pense qu'il faut juste taper U le caca, là. U la lettre, puis espace le espace caca. Ouais. En attendant, j'ai une toune de Gérard Nono des Lauriers. Il est super déçu, là. Qui s'appelle Pipi caca dans le petit pot. Ah! Parce que... Je fais pipi caca partout. Ah! Partout! Je peux pas me retenir du tout. Je veux pas te retenir. Quand ça me prend, je peux pas me contrôler. Et j'attends ma maman me crier pipi caca dans le petit pot lorsque je n'étais qu'un bébé. Ma mère fait. J'aurais peut-être pas dû demander ça. Puis Francis, t'as-tu trouvé c'était quoi ton défi pour DJ George? Moi, ça serait une toune pour continuer dans la thématique du film de ce soir. Genre sci-fi, mais sci-fi porno, quelque chose de même. Sci-fi porno, bien sûr. Ouais, c'est, je te mets la barre haute, là. Mais des, ouais, ben, sci-fi à la base, puis. Quelque chose d'autre qui va avec, un peu inusité. Go! Écoute, la musique, elle, sci-fi disco. C'est difficile. Ouais, sci-fi disco. Ok, sci-fi disco, ça c'est plus possible. Sci-fi porno, là, c'était trop dur. Ben non, mais là. Sci-fi disco, ok, attends. C'est pas. Attends, je vois une pochette Empire Strikes Back. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas, c'est la partie sci-fi. Voilà. Hey, c'est tellement vraiment... du sci-fi disco. Ah, oh, je sens comme l'ambiance sci-fi avec le disco. Là, ouais, c'est Meko qui fait ça. Meko, il a fait plusieurs albums de tunes de films de science-fiction ou de super-héros remis en disco. Ok, fait qu'il reprend les thèmes sci-fi version disco. Là. Exact. Fait que là, c'est Star Wars qui mange la claque. Ouais, là, à ce moment, mais il y en a beaucoup d'autres. Là, les films de Star Wars vont-ils ressortir en 3D? Tout le monde est content? Yeah! Ouais, ben, tout le monde est bien content dans le disco. Je vais commencer par le premier avec Jar Jar Binks, fait que tout le monde est encore plus content. Hein? On va-tu faire le line-up ensemble pour l'autre skit? Il semble qu'on commence à être en retard pour faire ça. Ouais, c'est vrai. Je passerai à 8 d'ailleurs. Surtout quand même pas commencer à faire le transfert 3D, mais allez-y, go. Vous avez été premier. Ah. Ah oui, on est sûr d'être premier. On se fait la bonne tisane au gingerbread. Bon. Mais je pense, je me souviens pas c'est à quelle place, dans, je pense c'est en Angleterre où est-ce que je pense 40% du monde sont Jedi ou quelque chose de même. Ah ou... ouais, genre de ouais, comme religion. Comme religion, effectivement. Entre Aélien pis ça, je pense que je serais Jedi. Donc, puis toi, je pense que ton pourcentage est exagéré. Ouais, non, je sais, c'est souvent des exagérations. Je disais ça en top of my head. Il me semble Bruno, on a déjà parlé. Et toi, Étienne Forêt? Est-ce que tu te lances un défi? J'ai un défi pour toi. Oui, ça va être facile. Je vais prendre une tune que j'avais préparée. OK, check bien ça. OK, là, ça, c'est ma découverte de la semaine. J'étais super heureux. Là, je commence par une vieille affaire, relativement, puis après ça, j'enchaîne avec la découverte que ça qui est en lien. Donc, on a ici une superbe chanson de Bonnie Tyler featuring Karen Anton, que vous connaissez sûrement. Ah, elle est vraiment pas bonne celle-là. Ah, Turn Around version française, on voulait ça. Turn Around. Comment qu'elle dit? Je turn around. Voyons. I'd like my mom. D'accord. Sure. Mais ça fait longtemps qu'on l'a trouvé celle-là, non, Étienne? Ça fait un bout, oui, c'est ça. Mais ça, là, vous pensez sûrement que c'est la pire reprise de... Turn Around. En fait, ça s'appelle Total Eclipse of the Heart. Oui, oui, c'est mais... Turn Around. C'est ça. Mais non, ce n'est pas la pire reprise. La pire reprise, c'est tout nouveau. Et la voici. Turn Around. Tourne en rond. Ça s'en vient. Mononote quand même, hein. Faut le laisser venir. C'est une note à la fois. Ouais, ouais. T'en fais juste le double avec ton DS. Non, c'est ça. C'est Wing! C'est Wing! Wing! Wing! Wing! Wing! Moi, je dis qu'on l'écoute au complet. Moi qui donne une. Je vais fermer les micros. Pouvez-vous expliquer c'est qui ça exactement? On peut t'en parler en revenant d'ailleurs. Okay. Ouais. Fait que je vais fermer les micros, on va se laisser bercer. Ah, c'est bon. Ok. I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if only hold me tight, we'll be holding on forever. And we only will be making it right. Cause we never belong together. We can take it till the end of our life. Your love's like a shadow on me. Aux 4 minutes que la chanson dure et à l'arrivée de Julien Bernatchez, on va peut-être légèrement décanter la toune, mais pour nous rafraîchir la mémoire, Étienne, tu pourrais peut-être nous parler un peu de Wing parce que Francis connaît pas ses. Moi, qui? J'étais un non-initié, ben oui. Mais maintenant, quand que je veux tout connaître sur elle. Vraiment, je. Ah, tu pourrais en mettre deux autres, mettons. Comme ça serait. Là, t'en es plus tième de. Ok, cool. Ok, ben Wing là, ok, c'est une madame chinoise d'origine qui vit maintenant en Nouvelle-Zélande. Puis elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se spécialise dans faire des covers de tunes connues, mais en chantant tout le temps super aigu. Puis elle prend toutes sortes de tunes de plein de différents genres. Par exemple, il y a des tunes qui parfois sont appropriées, d'autres le sont pas. Donc ici, on a une toune bien connue de Michael Jackson. J'ai l'impression de jouer au Genesis. Je dis ça de même, là. Ouais, c'est tout le temps sur de la musique midi, là. Fait que ça, musicalement, c'est assez ordinaire aussi. C'est sa voix qui fait tout, là. Ça, c'est un autre exemple, ça. Puis Wing, mine de rien... Elle a joué dans South Park. Ça, ouais, dans violer, South Park. Elle a joué dans South Park, effectivement. Ben, en fait, on l'a imité dans South Park. Puis... Elle est rendue à son 18e album, là, je dis ça en ralentissant le ton parce que je suis pas sûr. C'est 18 ou 19, je suis pas certain que c'est ça. Il n'y en aura jamais assez. 18e album, puis ça, donc, celui que j'ai fait jouer tantôt de Turnaround, c'est son tout nouveau, là, ça vient juste de sortir. Puis donc, t'as peut-être une autre. J'en ai plein d'autres tunes, checkez bien ça. J'ai. Ça, c'est beau, là. Elle fait une introduction parlée au début de son album, OK? Checkez bien. Hello. Julien, t'as-tu tout ton temps? I'm so happy you are listening to my latest album. All my albums are very nice. But well, yeah, I believe right. This is one of the best. So, just a second. Listen to this album anytime you want. Put it in your stereo system when you have a safe party. Or listen by yourself with your favorite. C'est instructions, là. I hope my singing and rapping gives you great happiness, relaxation, and peace. Et voilà, ça c'était son introduction. J'ai payé une pièce pour cette introduction-là. En passant, c'était une pièce la track. voilà. Puis ce qui est beau, c'est qu'elle nous explique qu'on peut l'écouter en le mettant dans notre système de son, mais pour entendre ça, il faut que tu sois en train de l'écouter. Dans la douche, voilà, en allant porter les enfants à la garderie. When you have a safe party. Safe party, ouais. Parce que, ouais, c'est ça. Faut faire attention. Si on peut party n'importe comment avec Wayne. C'est quand t'as dit bring you relaxation ou je sais pas trop quoi. Ouais, ça peut, écoute. And peace. And peace. T'as pas du tout envie d'arracher des temps. Ah non, vraiment pas. Dans un party violent, c'est pas. pas... Non. C'est pas non. Si tu mets ça dans un party violent, tout de suite, ça calme tout le monde, c'est clair. L'album, d'ailleurs, s'appelle Wing Sings for All the Single Ladies and Raps for All the Safe Parties. Voilà, c'est le nom de l'album officiel. Puis pourquoi que Sing... I'm a single lady. Ben oui, ben je te dédie donc la prochaine chanson. Merci. Que tu vas peut-être reconnaître, sûrement. Je comprends pas Cheap Shot, mais tu me l'expliqueras plus tard. Oh, the single ladies. Ah. Oh, the single ladies. Oh, the single ladies. Je me sens fucking visé. Oh, the single ladies. Now put your hands up. Up yeah. In the club. We just hooked up. I'm doing my own little thing. C'est une toune de Beyoncé, originellement. Tu demandes ta blonde en mariage, c'est une toune de même. Ça doit être... L'album contient quel genre de toune? Et tu vas être avec moi forever and ever. Ben, l'album contient ça, entre autres. Tu veux pas nous faire un tracklisting? Puis, regardez, je vais juste attendre le refrain, au moins. Ben oui. Ça, c'est le bridge, hein? Je sais pas trop. Quelque chose. Oh, et voilà. All the single ladies. Sinon, on a également, je vais mettre des tunes rapidement qui sont dedans. On a également, attendez, mon truc vient de geler. Même mon media player. Même ton ordi, il craque sous la pression de que c'est trop bon. C'est trop. Sinon, ben écoutez, on a Aquarius, qui est Age of Aquarius. Ah oui, une chanson de la comédie musicale Air. On a également Everything I Do It For You, originalement de Bryan Adams sur la trame sonore de Robin Hood, Prince of Thieves. Ensuite, Black and White, chanson encore une fois de Michael Jackson. Michael Jackson, ça vient de dégeler. Qu'on reconnaît ici. Je vais l'avancer tout de suite. Merci de nous avoir donné le meilleur bout d'ailleurs. C'est que tous les bouts sont bons, fait que je n'ai pas de travail à faire. C'est un de ses meilleurs albums que Prétisé d'ailleurs. Oui, mais je suis d'accord. J'étais très emballé à l'album Beat It. Un peu déçu à l'album avec Rappy Mac Rapperson. Ah oui, lui, oui. Mais celle-là, j'avoue que ça a cut Beat It. Je pense que si c'est pas mon préféré, c'est Ex-Echo. En fait, on se rappelle qu'elle a déjà dit très humblement, elle chante les tunes As They Should Have Been Sung. Exactement. Ça, c'est elle qui dit ça, c'est pas nous. Elle se dit meilleur que les originaux en plus. Ouais. Non, elle a dit pas dit c'est meilleur. Elle a dit As They Should Have Been Sung. Sang. Sing song. Donc, on va tranquillement, à moins qu'il y ait un autre succès international, on va peut-être transférer tout doucement vers Julien Bernatchez. Ben, on pourrait, puis je vais m'en laisser pour plus tard. Là, j'essaie de tout cramer le plus vite possible parce que à partir de la semaine prochaine, c'est spécial de Noël. Je pourrais plus faire jouer ça, mais attention, j'ai vu sur le site de Wing qui prépare un album de Noël. Qui s'en vient, son premier album, Wing Sings Christmas. Il devrait être prêt d'ici Noël. Il devrait être prêt avant ça, Noël. Elle le dit ça. Juste à temps pour les fêtes. Fait que j'ai des chances de pouvoir vous en faire jouer la semaine prochaine ou l'autre. Elle en faut faire un album, je pense. Ça va pas être bien long. D'après, ça prend juste un petit peu plus de temps que ça nous prend pour les coups. Elle va chercher des tunes en midi sur Internet. Elle load ça dans son ordi. Elle met ça sur son micro. Elle fait 3-4 fois, puis voilà. Voilà. 40 ans. Donc, très doucement, je nous switch vers l'hiver. Ah, tout un autre univers, hein? Ça fait pas mal. Moi, j'ai une intro. Moi aussi, j'en avais une, mais... Ouais, j'ai plus vos intros, vous? Non. C'est fait pour être joué, ça. T'as une intro. Donc, c'est ça, je tenais à te dire, juste avant que tu commences ta chronique. Ouais. C'est vraiment ma chronique préférée. Ah, ben, t'es mon... Rappelons-le. T'es mon animateur 70% préféré. Là. Oh! Ouais, ouais. Il y a de l'amour dans l'air. Oui, voilà. En juillet dernier, je vous ai botché un dossier sur Ricochet, qui était, d'après moi, un policier qui peut faire des bonds sur l'eau et qui combat le crime en se lançant toutes ses forces sur l'eau, en rebondissant plusieurs fois en direction de ses ennemis. On s'en souviendra. Cette série était scénarisée par le Tibet, région autonome de la Chine, que plusieurs t-shirts semblent vouloir libérer. Eh bien, cette région trouvait le temps en parallèle de nous offrir régulièrement une série d'aussi grande qualité que j'ai pas plus lu, Les aventures de Chick Bill. Oui. Alors voilà, c'est un dossier sur Chick Bill, donc c'est mon traduction, ça. Chick Bill était hot. Ah, Chick Bill, ben, je sais pas, je l'ai pas lu, mais... Chick Bill, ben je sais qui, genre. Ouais. C'est ça. Lu sa page Wikipédia. T'as déjà vu une couverture. J'ai copié-collé sa page Wikipédia. Alors, Chick Bill paraissait dans le journal de Tintin dès le début des années 50. Dans les toutes premières aventures de Chick Bill, à l'exemple des personnages de dessins animés, et contrairement à la vie que lui donna Hergé, Tibet fit de ses personnages des animaux humanisés. Chick Bill étant un lionceau, Dog Bull un chien, Kid Ordine un cochon et Petit Caniche un petit caniche bien sûr. D'après Wikipédia. Je dirais donc que, comme la violence, Chick Bill a plusieurs visages. Le troisième, voilà. Parallèle est important. Moi, c'était ma préférée de tout le texte. Ça va voler bas. Fait que là, c'est ça. Ben, ajustez vos attentes. Le troisième épisode, la route d'acier représentant une sorte de transition des personnages humains cohabitant avec des personnages d'animaux anthropomorphes, dont les caractéristiques animales étaient nettement plus discrètes que dans les deux albums précédents, Dog Bull y portant pour la première fois une moustache qui masquait ses traits canins. À partir de Kid Ordine le Rebelle, le quatrième album, Tibet humanisa définitivement ses personnages, d'abord parce que cela permettait de les rendre plus expressifs, et ensuite pour donner un peu plus de sérieux à la série. Wow, c'est pour dire passe. Combien la série en avait avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a eu comme le son qui a monté tout à coup. Il a accroché un fader. Moi, ouais, j'ai accroché. J'étais sûr que c'était ça. Pardon. Non, ça va, c'est pas grave. C'est juste une chronique sur Chick Bill, je veux dire. Alors, les personnages. Chick Bill, jeune cowboy courageux altruiste, comme Tintin, mon cowboy. Petit Caniche, jeune enfant indien ami de Chick Bill qui l'accompagne dans toutes ses aventures, intrépide, forte tête et d'une force physique surprenante. Dog Bull, shérif ami de Chick Bill, honnête et borné. Et Kid Ordine. Un cochon? Non, ben c'est juste les trois premiers albums. Comme je... Après ça, c'est devenu des. C'est devenu des humains. Les 67 suivants, c'est des humains. Ouais, c'est bien bizarre. Je sais. Kid Ordine, adjoint de Dog Bull. Naïf, maladroit et infantile, ce personnage comique au physique de goinfre prend progressivement la vedette de la série aux dépens de Chick Bill lui-même, ses gaffes fournissant souvent le moteur de l'action. C'est comme si Séraphin Lampion devenait plus important que Tintin dans Tintin, mettons. Je noterai aussi que mon frère, Simon Hull, considère que c'est le meilleur calembour de l'histoire de la BD, qui d'ordine. Alors voilà. Ton frère s'appelle Sylvain Hull? Il s'appelle Simon Hull. On le salue ce soir. Mais Kid Ordine, ça s'écrit, c'est comme... Ben Kid, comme Bill Kid, supposons Ordine. Ordine. Et surtout, dernier personnage, j'ai l'inoubliable Pantario. Hors la loi ou... Je n'ai pas le temps. Hors la loi. Répète-le. Pantario. Je vais le répéter plusieurs fois par la suite. Ouais, merci. Hors la loi au visage de félin. Méchant récurrent dans les trois premiers albums, il disparaît ensuite. Son physique ne se prétend pas au changement de style de la série. Eh bien moi, Pantario, je ne t'ai pas oublié, ne t'ayant jamais connu. Alors, le Tibet nous a régurgité 70 albums de Chick Bill, sans compter les 78 de Ricochet. C'est pas compliqué, je reloadais la page Wikipédia, puis il y en avait d'autres qui apparaissaient. Je vais vous offrir le traitement Bob et Bobette, Chick Bill, soit lire le titre d'album et deviner le contenu. Ça, j'aime vraiment ça quand tu fais ça. Ouais, je faisais un bout, j'ai pas fait en plus. Ouais, ça fait du bien. Plus, je disais, c'est un bout, j'ai pas fait ça. Ouais, je préfère ça. L'enfer, c'est ça au pif gadget. Écoute, c'est 6 mois, c'est 7 mois, là. Alors, tome 2, les carottes sont cuites. Pantario invite Chick Bill et Petit Caniche à souper. Chick Bill arrive avec une bouteille de vin cheap de dépanneur. Pantario s'inquiète sur la situation financière de son ennemi juré. Tome 4, Kid Ordine le rebelle. Kid Ordine se croit très à contre-courant dans le village en disant à tout le monde que lui, il trouve pas ça drôle les têtes à claques. Et les autres villageois ne se souviennent même pas c'était quoi. Tome 8, la grotte mystérieuse. Dog Bull entre par effraction chez des femmes et leur vole leurs sous-vêtements pour les cacher dans une grotte. Quelle habitude mystérieuse. Tome 18, le dernier des boules. Pantario voulait s'acheter un Red Bull au couche-tard, mais le dernier venait d'être vendu. À cause de cela, il s'endort au volant. À son réveil, il est à la tête d'un peloton de course d'un album de Michel Vaillant. Mais Michel gagne la course, évidemment. Tome 27, l'épée ou la gâchette. Avec la Gunblade de Final Fantasy VIII, nul besoin de se poser cette question. Tu l'as fait pour moi. Ben oui, j'ai fait pour toi. Et les fans de Final Fantasy VIII à la maison. Tome 36, oui, toi. L'innocent, non, je l'ai haï pour frère. L'innocent du village. Pantario commence à se trouver pas mal con de ne pas arriver à capturer Chick Bill et décide que toute cette énergie peut être mal utilisée. Il décide de la canaliser dans la religion. Ça va de mal en pire pour Pantario. Tome 38, le dur des durs des durs de durs. Chick Bill croise le célèbre chanteur et prépubère Jordi qui passait par là. Il lui offre une partie de bras de fer, étant convaincu qu'il est plus fort qu'un enfant. Évidemment, il gagne, dans l'indifférence de son entourage. Tome 41, ces merveilleux fous volant l'argent d'autrui bien que la police veille. Des merveilleux fous volent l'argent d'autrui, et ce, même si la police veille. Chick Bill va les arrêter, pis tout. Tombe 42, le ranch chanté. Chick Bill boit une bouteille d'absinthe seul dans son ranch et se met à croire qu'il est tenté. Il se réveille nu dans la fontaine du village. Tombe 48, la voyante qui voyait double. Doc Bull se développe un problème de jeu et décide de laisser toutes ses décisions dans les mains d'une voyante alcoolique. Quand elle meurt d'une cirrhose du foie, Doc Bull réalise qu'il est peut-être passé à côté de sa vie. Tombe 49, la peur bleue. Les schtroumpfs, là, tu vas voir ici comment j'écris schtroumpf. Je pense qu'il y a... Schtroumpf. Il y a 10 fautes. Les schtroumpfs viennent faire un tour dans le village de Chick Bill. S'ensuit des beuveries et des fêtes à n'en plus finir. Mais le party tourne au vinaigre quand Doc Bull et Kid Ordine, un soir trop gelé sur le moche, se mettent à parler en mal des schtroumpfs noirs. Les schtroumpfs mauves, attention. Les schtroumpfs mauves pour nos fans américains. Tombe 54, 3 coups pour le sénateur. Le sénateur Jean Lapointe vient faire un tour dans le village afin d'essayer d'éradier les vidéopokers du salon de Chick Bill. Chick, ne voulant pas en perdre son gang-pain, réussit à faire retomber dans l'alcool ce dernier afin de lui faire perdre toute crédibilité. La tournée des Gérolas est annulée et Jérôme Lemay se retrouve toujours sans emploi. Jérôme Lemay étant l'autre Gérola. Oui, pour ceux qui ne savaient pas. Okay. Celle, j'ai pas assez proche de la couper. Jérôme Lemay a fait un album solo. Il n'y a pas besoin de la tournée des Gérolas finalement. Non. Tombe 62, à la recherche du thon perdu. Thon comme l'abeille, comme. Petit caniche collectionneur d'abeilles, de moustiques et de thon hors pair casse les oreilles de tout le monde dans le village quand il ne trouve plus son thon. C'est en fait Chick Bill qui l'a flushé dans la toilette pour mal faire. Tombe 64, guerre épais, mais gros QI. Après avoir lu un livre de psychopop particulièrement accrocheur, Pantario réalise que toute l'énergie qu'il mettait à combattre Chick Bill voulait peut-être dire qu'il était en amour avec lui, en fait. Incapable de vivre avec cette idée, il se tire une balle dans le cœur, ne sachant pas que cet amour était réciproque. Oh. Et tombe 65, la fille au père vert. Véronique Cloutier s'installe dans le village de Chick Bill. Et pour bien se faire accueillir, elle décide de monter un grand spectacle au jour de l'an où elle présenterait les événements qui ont marqué l'actualité d'un point de vue humoristique en sketch et en chanson. Elle se fait pendre le lendemain. Donc, ce n'est pas pour rien que Ricochet est un classique. Humour, action, romance, tout est là pour plaire. 70 albums, j'en prendrai le double. Facilement. Pas de cote cette semaine. Voilà. Merci, Gilles. Merci beaucoup. Voilà. Excellent, comme toujours. Je vais faire une plug en passant pour les gens qui écoutent l'émission en direct. Ce soir, Madame Colombo, ma compagne, fait des sous-titres comme travail. Puis ce soir, à l'Auberge Chien Noir, c'est elle qui a fait les sous-titres. Écoutez-le au moins pour ça. Si vous écoutez l'Auberge Chien Noir, vous mettez les sous-titres, c'est elle qui a rédigé ça. Est-ce qu'elle a écrit quelques blagues en se disant personne ne va spotter? Non, ben les textes, ça reste Pierre Lucier puis Sylvie l'autre. Ouais, je pense que. Mais elle. Ceux qui ont écrit 4,5 à l'époque. Ouais, aussi. D'ailleurs, il a parlé de Madame Colombo. J'aimerais ça peut-être éventuellement faire un don aux douteux. J'ai downloadé comme la moitié de toutes les Colombo en français. Oh, c'est bon. Ça, c'est bon en tabarnak. Ben, quand t'aimes Colombo, t'aimes ça, sinon t'haïs ça, là, mais c'est vraiment purement bon. Madame Colombo, justement, dit que j'ai une vraiment mauvaise imitation de la voix de Colombo que je faisais au téléphone en fin de semaine. Je peux essayer de la ben, fais-la donc. Vas-y, on va juger. C'est gênant. J'arrête la musique tout de suite. J'aurais encore une question pour vous. Encore une petite question, ma petite dame. Ah, moi, je trouve ça c'est bon quand même. Ouais, tu te rafraîchis en mémoire, mais je vais te les donner justement. Ok, parfait. Ça la cote ton imitation d'Astérix. Tu pourrais faire Astérix et Colombo dans la même pièce. Colombo, non. Astérix, encore une petite question. Non, Colombo, non. Okay. On sort la semaine prochaine peut-être. Okay. Moi, j'en profite pour saluer Madame Colombo d'abord. Oui, oui. Elle nous écoute chaque semaine. On la félicite pour son beau travail. Tout à fait. Puis là, il reste 5 minutes à l'émission. Fait que est-ce qu'on écoute Four Non Blondes jusqu'à la fin? Ah oui. Moi, je peux. Oui, c'est sûr. Je suis toujours. Ben, à la fin, on va mettre quand même une autre tune de Francis. Ouais, fait qu'on on dit bye à tout le monde. On part avec Four Non Blondes Dance. Puis après ça, on va switcher. Puis on switch à une autre tune de Francis à un moment donné. Puis vous pouvez vous poser la question chez vous. Est-ce que Madame Colombo existe ou non? Parce que je me suis assis avec une couple de personnes. Il y a du monde qui disent que c'est dans sa tête. D'autres qui disent qu'elle existe. Ouais, il y a une école de pensée. D'après Wikipédia. Ça peut être une astuce, là, aussi. Ouais, ben souvent, il en parle. Mind trick, là, ça va aussi. Il reste, ça va être suffisamment d'indices pour laisser présager qu'elle existe. Mais moi, personnellement, je trouve que Colombo kick trop des culs pour pas avoir une femme. Ouais, c'est vrai. Fait T'sais, il peut pas être loose. Mais il doit être paraît chaud, Colombo. Lui, parlement. Et puis, il est peut-être gay. Ouais, mais imagine être la femme de Colombo, là. Il sait tout le temps quand t'as pas fait la vaisselle. Il sait tout le temps quand que... Moi, j'en vois une grosse qui pue à 6 kilomètres. C'est ça. Peut-être qu'en réalité, il est juste gay et il s'assume pas. C'est pour ça qu'il nous présente jamais M. Colombo. Un peu comme Pantario. Comme Pantario. Parallèle avec Pantario. Mais j'ai oublié les trois albums. Est-ce que Colombo et Pantario, tu les as-tu déjà vus dans la même pièce? Non. J'ai jamais vu Pantario. Il pourrait être vraiment n'importe qui ici. Là. Fait que, profitons de l'absence de Tommy. Non, vas-y. Profitons de l'absence de Tommy Godette pour écouter une toune qu'il aime pas. Ouais, et puis on se revoit la semaine prochaine, messieurs. Fait que, ben merci, Evelyne. Bye-bye. Yeah. Merci, Julien, beaucoup. Ta chronique m'a... Toujours apprécié. C'est très court, cette semaine. Va m'aider à passer à travers la semaine. Ouais. Merci à 70% de m'avoir invité si gentiment. Ça nous fait plaisir. Ça va me faire plaisir de revenir quand vous voulez. La semaine prochaine. C'est bien amusant et c'est bien le fun. Ben, prépare-toi une chronique. Ah ouais! Bon, okay. C'est pas tough, là. Il y a beaucoup de travail, mais non, il n'y en a pas tant que ça. Pas tant que ça. Je vais checker ça. Puis Étienne, comme toujours, c'est toujours un plaisir. Ben, merci à toi. Excellent job à la console. Ah oui, merci. Hey, bravo, à la semaine prochaine, tout le monde. Surtout quand t'as monté le son pendant ma chronique. La musique était plus fort que ce que je disais. Mais t'étais pas là quand on annonçait le spécial problème technique. Non, je manquais ça, ouais. Ah, j'ai fermé les micros. Dans le blanc, ça se dit que je l'ai eu. C'était en plein mois de mai, puis il s'est mis à neiger. Fort dans ton windshield de char.